Pourquoi ton ami voudrait-il habiter à Pékin? Pourquoi? Oui, shenme? Ton ami? Ni de peng you. Voudrait, a envie d'habiter à Pékin? Voudrait habiter. Xiang zhu zai Beijing ma? Ah non, on n'a pas besoin du ma dans ce cas. Pourquoi ton ami voudrait-il habiter à Pékin? Wei shenme ni de peng you xiang zhu zai Beijing? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est exactement pareil qu'en français. Wei. Wei shenme bu? Sa famille habite à Pékin. Ta de jia zhu zai Beijing. Comment dis-tu Pékin? Beijing. Oui, Beijing. Pourquoi pas? Sa famille habite à Pékin. Wei shenme bu? Ta de jia zhu zai Beijing. Et vous répondez, ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai, non. Cuo. C'est correct, et vous pouvez le dire comme ça. Et donc, qu'est-ce que vous avez dit? Cuo. Donc, ça signifie faux. Ou mauvais. Ou mauvais. Mais il peut signifier faux ici, et vous l'avez bien employé. Donc, on vous a dit, sa famille est à Pékin. Et vous avez répondu cuo, qui veut dire faux. Mais si on voulait dire ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai, comment dira-t-on? Est-ce que il est là? Non. C'est il est doué. Ah oui, il est doué, oui, d'accord. Et il pensait que sa réponse était juste, rappelez-vous, hein, mais le professeur l'a corrigé. Pou, doué. Ce n'est pas vrai. Bu dui. Faites attention aux trampolines ici. Bu dui. Sa mère habite à Shanghai. Ta de mama zhu zai Shanghai. Sa mère habite à Shanghai. Ta de mama zhu zai Shanghai. Il habite probablement là-bas également. Ta da gai. Ta ye zhu na. C'est correct, c'est une bonne phrase. C'est juste, mais je voudrais habiter à cet endroit, ici, hein, se trouver ici. Se trouver ici. Oui. Hein, vous pouvez donc le dire des deux manières. Hein, les deux sont correctes. Et votre façon de dire est tout à fait juste en chinois familier. Bon, d'accord. Alors, pouvez-vous me répéter la phrase, s'il vous plaît? Alors, il habite probablement là-bas également. Da gai. Ta ye. Zhu zai na. Donc les deux phrases sont correctes et vous serez parfaitement compris dans les deux cas. Alors, il habite probablement là-bas également. Da gai, ta ye zhu zai na.